Chapitre 27. La traîtrise. Ophélie ne s'était encore jamais rendue au service de censure. Il se situait dans l'autre hémisphère du mémorial, celui qui avait été entièrement reconstruit après la déchirure. On ne pouvait marcher ici sans songer au vide sous les tonnes de pierre. L'endroit était désert et étonnait davantage du local industriel que du bureau administratif. Des ampoules sans abat-jour projetait un éclairage cru sur les piles de carton entreposées jusqu'au plafond. Il régnait à l'intérieur une chaleur étourdissante. « C'est l'incinérateur, » expliqua Blasius en montrant le hublot enfumé d'une porte pressurisée. « J'ai l'interdiction formelle de m'en approcher. »« Il fonctionne en ce moment ?» s'étonna Ophélie. « Je croyais qu'aucun document ne devait être détruit tant que le nouveau catalogue n'était pas achevé. » Les livres, oui, mais pas les déchets. Le mémorial accueille tous les jours des centaines de visiteurs, sans même mentionner le personnel. Vous seriez étonné du nombre de poubelles que nous jetons là-dedans chaque soir. Les archives sont par ici, miss. Blasius ouvrit une autre porte dont la poignée lui resta dans la main. La salle des archives ne différait en rien du reste du service. Ce n'était partout que des cartons. Si l'ancien catalogue était à l'image de cette organisation, Ophélie comprenait mieux pourquoi Thorne l'avait repris à zéro. « Je vais vous laisser, » dit Blasius. « Je ne dois pas manquer mon tramoiseau. Je vous fais confiance pour éteindre et refermer derrière vous quand vous aurez fini. Comptez sur moi. » Ophélie était elle-même en retard. Elle n'avait plus de temps à perdre. Elle retroussa les manches de sa redingote, passa en revue les étiquettes des cartons et constata soudain que Blasius se tenait toujours dans l'encadrement de la porte. Son visage était tiraillé par une expression tourmentée. « Avez-vous envisagé que le sans-peur soit derrière tout ça ?»« Je l'ai envisagé, oui. » Le sans-peur haïssait les censeurs. Miss Silence était morte en plein exercice de ses fonctions. Le sans-peur avait vu une ennemie en Médiana. Elle avait cessé d'être une avant-coureuse du jour au lendemain. C'était un homme beaucoup moins inoffensif qu'il n'y paraissait, extrêmement bien renseigné et terriblement ambitieux. Ophélie n'aurait pas été surprise qu'il fût lui aussi à la recherche de ce livre qui permettait de devenir l'égal de Dieu. « Soyez prudente, d'accord ?» « Ne finissez pas comme votre camarade, please. » La voix de Blasius s'était faite si implorante qu'Ophélie en fut toute retournée. Elle ne sut pas quoi dire, elle ne savait jamais quoi dire dans ces moments-là. « L'observatoire des déviations, » déclara alors Blasius avec gravité. « C'est là-bas qu'elle a été transférée. Goodbye, miss. » Merci. » Les mots avaient jailli trop tard. Blasius était parti. Ophélie s'obligea à se ressaisir. Une chose à la fois, d'abord les cartons. Elle en repéra un dont la date correspondait au décès de Miss Silence, puis elle feuilleta les répertoires qu'il contenait. « Là !» souffla-t-elle. Sur l'un des répertoires, il y avait une colonne entière de « ID » à la rubrique « Auteur ». Ophélie parcourut les titres. « Voyage autour du Nouveau Monde »,« Les aventures des petits prodiges »,« Une belle et merveilleuse famille », et ainsi de suite. Ces livres sentaient la bien-pensance à plein nez, ce qui rendait plus incompréhensible encore leur destruction. Sous la rubrique « Motif de la censure », Miss Silence avait simplement noté « Vocabulaire réprouvé par l'index et manque de pédagogie ». Les livres de E.D. ne portaient pas de mention de publication, ce qui était courant dans les vieilles éditions. Mais d'après le répertoire, leur date d'impression était estimée au 1er siècle après la déchirure. C'était une époque où l'humanité était encore en reconstruction et au beau milieu d'un renouveau. Les littératures dites optimistes étaient alors très répandues. De plus en plus déconcertée, Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. Il n'y avait là vraiment rien de renversant. Peut-être qu'en fin de compte, la collection de E.D. était une fausse piste. Et si le livre qu'elle cherchait était en fait un livre avec la majuscule? Et si Dieu avait été créé, comme il l'avait lui-même créé les esprits de famille. S'il existait un livre qui conférait le pouvoir de reproduire tous les pouvoirs. En lisant le répertoire avec ses mains et en pénétrant l'état d'esprit de Miss Silence, Ophélie aurait pu être fixée, mais il lui fallait pour cela l'aval du service de censure. La dernière fois qu'elle s'était servie de son pouvoir sans permission, elle avait violé la vie privée du professeur Wolfe. Cet écart de conduite lui pesait encore sur la conscience. Ophélie remarqua soudain une anomalie à l'intérieur du répertoire. Tous les titres figurant dans la liste des livres de E.D. portaient le coup de tampon « Détruit ». Tous, sauf un. L'ère des miracles. Un exemplaire avait réchappé à l'incinération. C'était donc lui que Miss Silence était revenue chercher en pleine nuit. Et c'était la mort qu'elle avait trouvée à la place. Mais le livre, lui, qu'était-il devenu? Il sera une fois dans pas si longtemps. Un monde qui vivra enfin. En paix. À peine Ophélie eut-elle prononcé cette phrase qu'elle se demanda pourquoi elle avait dit ça. C'étaient les mêmes mots qui lui étaient venus à l'esprit lorsqu'elle avait lu la statue du soldat sans tête. Elle avait l'impression de les avoir déjà vus quelque part, de les avoir appris par cœur, puis oubliés. Ophélie releva brusquement le nez de son répertoire. Elle ne vit que des cartons d'archives autour d'elle et pourtant, pendant un bref instant, elle avait perçu un mouvement au coin de son regard, comme une ombre en train de se pencher par-dessus son épaule. Elle se rendit alors compte qu'elle était trempée de sueur et ce n'était pas seulement à cause de la chaleur ambiante. Son cœur battait à toute vitesse, ses lunettes avaient bleui d'un coup. Ophélie avait la sensation de s'être réveillée d'un cauchemar dont elle ne se souvenait même pas. Quand elle vit l'heure à l'horloge de la salle, elle bondit sur ses pieds. Il était beaucoup plus tard qu'elle ne pensait. Tout le monde, à commencer par Thorne, devait se demander où elle était passée. Elle rangea son carton en toute hâte et éteignit la lumière, mais au moment de fermer le local, elle eut un regard hésitant pour la porte de l'incinérateur. Le hublot rougeoyait comme une plaque de cuisinière. C'était là que Miss Silence avait détruit les livres de E.D., à l'exception d'un seul. Et si l'ère des miracles était accidentellement restée à l'intérieur? Une puissante vague de chaleur assaillit Ophélie dès qu'elle entr'ouvrit la porte pressurisée. Un four occupait presque toute la pièce. Il dégageait une telle température que le seul fait de s'attarder devant lui donna l'impression qu'elle allait tomber en cendres. Il lui aurait fallu enfiler une combinaison de protection avant d'entrer ici, mais elle n'avait plus le temps d'en chercher une. Elle jeta un coup d'œil rapide dans chaque recoin de la pièce sous les bennes d'ordures, derrière la soute à charbon, partout où un livre aurait pu glisser et rester inaperçu. Rien. La seule chose qu'elle trouva, quand elle décida qu'il faisait trop chaud pour rester une seconde de plus, fut une porte close. De l'autre côté du hublot, les devins s'éloignaient en courant. Ophélie s'acharna sur la poignée, si bouillante qu'elle lui brûla les doigts en dépit des gants. Rien n'y fit. Ils avaient enclenché le verrouillage de sécurité. Météo du soir, avis de canicule. Il savait. Les devins avaient anticipé cet instant depuis le début, et ils s'étaient fait comme toujours les propres acteurs de leur prophétie. Ophélie eut beau frapper la porte en les appelant à l'aide. Personne ne vint, et il ne fallait évidemment pas compter sur son animisme pour désamorcer la serrure. La chaleur du four était insupportable. Ophélie chercha une autre issue, mais elle était bel et bien prise au piège. La transpiration ruisselait en gouttes épaisses sur son menton. Ses pieds se consumaient au fond des bottes. Elle plaqua son visage contre la grille murale de ventilation. Elle ne pouvait pas s'échapper par là. Elle aurait à peine pu y passer un bras. Mais c'était l'endroit le moins surchauffé de la pièce. Le temps s'écoula, et avec lui, toute l'eau de son corps. Elle n'arrivait pas à y croire. Les devins étaient-ils conscients qu'ils la mettaient en danger? À part eux, seul Blasius savait où elle se trouvait, et son tramoiseau avait décollé depuis longtemps. Ophélie se cramponna à son col, la panique plus encore que la chaleur la faisait suffoquer. Elle essuya la sueur qui lui brûlait les yeux. Une ombre s'approchait du hublot de la porte. Un déclic. La poignée pivota sur elle-même, l'air s'engouffra dans la pièce. Ophélie se précipita dehors, elle toussa à s'en faire mal aux poumons. La tête lui tournait si fort qu'elle dut s'adosser contre un mur. Elle aurait pleuré de soulagement s'il lui était resté assez d'eau pour le faire. Qui lui avait ouvert? Les devins? Où qu'Ophélie regarda, il n'y avait personne d'autre qu'elle dans le service de censure. Elle trébucha jusqu'aux toilettes les plus proches. Elle dut s'empêcher de boire l'eau du robinet qui n'était pas potable, mais elle passa un mouchoir mouillé sur la peau de son visage et de son cou. Elle était aussi rouge que sous l'effet d'un coup de soleil. Il lui fallait retrouver Thorne et vite. Il devait être impérativement informé de la disparition du seul livre de E.D. à ne pas avoir été détruit par Miss Silence. Il était peut-être en train de passer à côté de l'objet central de ses recherches. À peine Ophélie sortit-elle des toilettes qu'elle y retourna aussitôt et rendit le contenu de son estomac. Penchée par-dessus la cuvette, secouée de frissons, elle songea sérieusement à dénoncer les devins. Elle l'aurait fait sans l'ombre d'une hésitation, s'il ne lui avait pas fallu expliquer par voie de conséquence ce qu'elle-même manigançait au service de censure. Elle ne devait attirer l'attention ni de Lady Septima ni d'aucun lord de luxe sur l'enquête qu'elle menait. Ophélie ne croisa plus personne dans les galeries hormis quelques automates qu'elle avait les vitrines. Le mémorial avait fermé ses portes, les visiteurs et la plupart des membres du personnel étaient partis. Elle se rendit au box de lecture pour y chercher Lady Septima. Il restait à espérer que celle-ci fût d'accord pour lui ouvrir l'accès au secrétarium malgré son retard. Les devins étaient attablés à leur place, sagement penchés sur leurs livres, à croire qu'ils n'avaient jamais cessé d'être là. Ils esquissèrent un sourire d'ironie en croisant son regard furieux. Il y en avait néanmoins un parmi eux qui eut la décence de rentrer la tête dans les épaules visiblement mal à l'aise. Ophélie se demanda si ce n'était pas lui qui, pris de remords, lui avait ouvert la porte. Elle sourcilla en s'apercevant que le box d'Octavio était vide à la table des fils de Pollux. « Well, well, well !» dit Lady Septima en la voyant. « Voilà notre portée disparue. Cela va faire une heure que nous vous cherchons, apprenti. Pas un seul de vos camarades n'a été en mesure de nous dire où vous étiez passé. Quelle est votre explication ?»« Je ne me sentais pas bien. » Ce en quoi Ophélie ne mentait pas. Sa voix rauque, ses joues écarlates et ses cheveux trempés de sueur témoignaient en sa faveur. « Voyez-vous cela? Et vous n'avez pas jugé bon de nous en informer. Sir Henry avait besoin de vos mains pour une nouvelle expertise. Vous avez mis tout le monde en retard. » Lady Septima s'était exprimée en claquant sa langue contre son palais, mais ce mécontentement n'était qu'une façade. Son regard étincelait de satisfaction. Elle pouvait rendre à son élève l'humiliation qu'elle avait subie la veille en tant que professeur. Ophélie eut aussitôt la conviction qu'elle était parfaitement au courant de ce que les devins venaient de lui faire endurer. Peut-être même en était-elle l'instigatrice. « Je vais me rattraper, » promit-elle. « Pouvez-vous m'ouvrir l'accès au secrétarium ?»« C'est inutile, apprenti. Sir Henry vous a trouvé un remplaçant. » L'effet que ces paroles produisirent sur Ophélie fut plus brutal que la chaleur de l'incinérateur. Voilà pourquoi le box d'Octavio était vide. « Si vraiment vous voulez vous rattraper, suivez l'exemple de vos camarades, » recommanda Lady Septima en lui désignant la table des filleuls d'Hélène. « Les heures supplémentaires que vous ferez en catalographie atténueront peut-être la mauvaise impression due à ce que vous n'avez pas fait ailleurs. » « Quel dommage! À quelques jours seulement de la remise des grades !» Ophélie s'assit dans son box, mais elle ne prit ni de quoi lire ni de quoi écrire. Elle se contenta de fixer durement le globe du secrétarium dont la croûte terrestre en or rouge reflétait les lampes des galeries qui s'enroulaient autour de lui comme des anneaux planétaires. Étant donné que les box se trouvaient au plafond, Ophélie le voyait à l'envers. Mais elle avait une vue imprenable sur la porte blindée. Thorne l'avait remplacée. « La signorina va pleurer ?» chuchota l'un des devins à travers la claire-voie d'en face. « La signorina veut un mouchoir ?» Ophélie le fit taire d'un seul regard. Elle se sentait bouillante de colère. Thorne l'avait remplacée à cause d'eux. Elle quitta son box dès que la passerelle se déploya vers la porte du secrétarium. Lady Septima était installée au comptoir des pneumatiques. Si elle la surprenait en train de déserter son poste sans son aval, c'était le renvoi assuré. « Je demande la permission de me rendre aux toilettes. Encore ?» Lady Septima n'avait pas même levé les yeux du calepin où elle était en train de prendre des notes. « Je suis vraiment indisposée. Je préférerais ne pas vomir sur le matériel du mémorial. » Ophélie n'avait pas besoin de se forcer. Elle était réellement nauséeuse. « Vous avez 5 minutes !» décréta Lady Septima sans cesser d'écrire. « Et ce sera reporté dans votre dossier. Un virtuose doit avoir la perfecte maîtrise de son organisme. » Ophélie n'était plus à sa près. Elle prit la direction des toilettes, puis elle changea de trajectoire dès qu'elle fut hors de vue. Elle emprunta une enfilade de corridors et arriva au transandium septentrional juste au moment où Octavio s'apprêtait à rappeler la passerelle d'un tour de clé dans la borne. « Je dois me rendre au secrétarium, » lui dit-elle d'une voix essoufflée. « Juste une minute, s'il te plaît. » Octavio fronça ses épais sourcils noirs. La ressemblance avec sa mère fut à cet instant plus saisissante que jamais. « Pourquoi ?» Ophélie sentit l'impatience la submerger. « Parce que je dois parler à Sir Henry. C'est confidentiel. »« Tu ne le trouveras plus au secrétarium. Il l'a quitté, à l'instant. Il se rend en ville. Indirigeable l'attend. » Ophélie songea que ce n'était décidément pas sa soirée. Rien ne se déroulait comme prévu. Elle descendit le transandium aussi vite qu'il lui était physiquement possible de le faire. Thorn était en train de franchir les portes de l'atrium à grandes enjambées. Pour un invalide, il avait un fameux coup de talon. La différence de température entre la fraîcheur du mémorial et la nuit au dehors donna à Ophélie la sensation de pénétrer dans de l'eau chaude. Elle ne réussit à rattraper Thorn qu'au moment où il passait devant la statue du soldat sans tête. La silhouette d'un dirigeable manœuvrait à l'approche du quai, sa coque étincelant sous la lune. « Attendez !» Thorn se retourna en entendant Ophélie. C'était la première fois qu'elle le voyait porter l'uniforme officiel des lords de luxe. Les dorures prenaient un éclat argenté dans le halo des lampadaires. « Je suis pressé. Les généalogistes m'ont convoqué. »« Je vais être brève. Pourquoi m'avez-vous fait ça ?»« N'oubliez pas à qui vous vous adressez. » L'avertissement ne pouvait être plus clair. En ce moment, Thorn était Sir Henry. Et même s'il n'y avait rien que des mimosas autour d'eux, ils se trouvaient dans un lieu public. Ophélie n'en avait cure. Elle ne parvenait plus à contenir le bouillonnement d'émotions qui la consumait de l'intérieur. « Pourquoi ?» insista-t-elle d'une voix serrée. « Vous me punissez ?»« Vous n'étiez pas disponible. Vous attendre m'aurait ralenti dans mes recherches. » Thorn s'était redressé de toute sa hauteur et regardait droit devant lui, hors de portée. Le détachement avec lequel il exposait ses arguments décupla le courroux d'Ophélie. « Vous ralentir. Pour votre gouverne, je faisais aussi des recherches de mon côté. Cela vous intéresserait d'apprendre. »« De votre côté, c'est bien ça le problème. » L'interrompit-il. « Je vous avais recommandé de ne jamais quitter votre division et vous deviez m'avertir si vous aviez du nouveau. Rien n'a changé. Vous prenez toujours vos décisions seules. » « Je voulais vous aider !» siffla Ophélie entre ses mâchoires. Thorn leva la tête vers le dirigeable à présent si proche de l'arche que ses hélices faisaient frémir tous les mimosas environnants. « Je ne veux pas de vos bons sentiments. J'ai besoin d'efficacité. Si vous permettez maintenant, j'ai un vol à prendre. » Le sang d'Ophélie prit feu dans toutes ses veines. « Vous êtes égoïste !» Elle avait voulu mettre Thorn en colère et elle sut, à la manière dont il s'était pétrifié sur place, qu'elle avait réussi. Les ombres de la nuit paraissaient s'être soudain toutes rassemblées au milieu de sa figure. Il fit plonger vers Ophélie un regard d'une telle dureté qu'elle chancela sous son impact. « Je suis exigeant, rabat-joie, maniaque, asocial et estropié, » énuméra-t-il d'une voix terrible. « Vous pouvez me prêter tous les défauts du monde, mais je ne vous autorise pas à me traiter d'égoïste. Si vous préférez faire les choses à votre manière, faites-les » conclut-il en fendant l'air du tranchant de la main. « Mais ne gaspillez plus mon temps !» Thorn lui tourna le dos afin de rejoindre son dirigeable. « Notre collaboration est terminée !» Ophélie savait qu'une seule initiative de sa part ne ferait qu'aggraver son cas. Elle ne put pourtant empêcher sa main de s'élancer vers Thorn pour le retenir, l'obliger à faire volte-face, lui interdire de s'éloigner davantage. Elle ne l'atteignit jamais. Une douleur foudroyante lui traversa le bras, comme une décharge électrique. La respiration coupée, Ophélie se retint de justesse à la statue du soldat pour ne pas tomber. Elle arrondit les yeux derrière ses lunettes déséquilibrées, tandis que Thorne se faisait engloutir par la nuit dans un sinistre grincement d'acier, sans un regard en arrière. Il s'était servi de ses griffes contre elle.